Dans l'épisode précédent... Après avoir vendu les organes d'un de ses fils pour renflouer les caisses, le patriarche s'est mis en tête de construire une demeure sur les falaises de Demon Vegas. Cela vous coûtera environ 5 millions de dollars. Combien ? Il n'y a pas de réduction pour les nouveaux arrivants ? Nous n'avons pas l'habitude de faire des soldes. Très bien, au revoir. Il déchante vite lorsqu'il comprend qu'il n'a pas assez d'argent pour réaliser son palais. Il nous manque de l'argent, beaucoup d'argent. Il confie alors à Paul, le frère de Mark, une partie de l'argent pour qu'il le fasse fructifier. Celui-ci décide de se lancer dans les courses de chevaux. Je crois que moi aussi je vais devenir Murphiste. Le plus grand Murphiste de tout Demon Vegas. Voici le 6e épisode de votre série Demon Vegas, épisode intitulé Les Crottins d'Or. Tu es pâle, Marc. Tu as faim ? Je t'ai fait les merguez. Avec un foie réduit aux 3/4, je ne peux plus digérer de graisse animale, papa. Je sais que ce n'est pas la grande forme en ce moment, mais ton frère va revenir et je suis certain qu'il aura réussi à faire fructifier ta mise de départ. Avec l'argent, nous t'offrirons les meilleurs chirurgiens et tu pourras à nouveau goûter aux joies du barbecue. Salut, papa ! Salut, Marc ! Oh, mon fils, tu nous as ramené de l'argent ! Mieux que ça ! De l'or ? Mieux ! Du crottin ! Tu as acheté du crottin ? Ne sois pas ridicule, Marc, et ouvre les yeux si tu as encore de la force dans tes paupières. Ici, il y a une véritable industrie de l'étalon. Posséder un pur sang, c'est comme posséder un puits de pétrole. Je n'y connais rien en chevaux. Tu as fait peur de Pony, notre petit poney. Tais-toi, Marc, tu passes ton temps allongé au soleil pendant que Paul s'efforce de nous sortir des difficultés. Mais papa... Pauvre Marc, je dois y aller. J'ai rendez-vous avec Roy Penbrick, un éleveur international. Nettoyez-moi tous ces box. Bien, monsieur. Oh, hey, Roy. Oh, bonjour, Paul. Ah, je viens faire une petite acquisition. Oui, tu frappes à la bonne écurie. Allez, suis-moi. Regarde cet étalon. Il est superbe. Il me rappelle moi quand j'avais 20 ans, impétueux avec les juments. C'est un pur sang du Qatar que m'a cédé le prince Mohamed. Il s'appelle Couscous. Couscous. Oui. Son galop brûlant comme le piment a toujours fait la différence. Ce n'est pas un cheval que tu as sous les yeux. C'est un gagnant. Un prince des podiums. Et il me le faut. Regarde sa coupe puissante. Son garrot musclé. Et sa robe colorée. Oh, n'en dis pas plus, Roy. Ton prix est le mien. 700 000 dollars, prix d'ami. Oh, je vois. Ça fait cher le kilo. Je ne fabrique pas des chevaux pour hamburger. Je te parle de champion, je te parle de victoire. Alors si tu raisonnes en kilo de boucherie, notre discussion s'arrête là. Je ne voulais pas te froisser, excuse-moi. Je le prends. C'est une grande chance pour toi. Et les tiens. Les chevaux sont prêts, faites vos mises. Mettez 50 000 dollars sur le couscous. Voilà votre ticket. Bonjour Roy, je peux me mettre à côté de toi ? Bien sûr. Alors, tu as parlé sur couscous ? Oui, le maximum. Mais c'est bizarre, pour un champion, sa cote était plutôt désastreuse. C'est un cheval sous-coté. Il a eu une gastro l'année dernière, il n'a pas fait de résultat. Mais cette année, je pense qu'il va tout rafler. La course est partie avec à sa tête idéale du gazo, suivi Kazakh Blanche de Speedy Scott et en troisième position Flash Gordon. Flash Gordon à la corde qui déborde idéale du gazo qui termine la course en tête. Victoire en première position de Flash Gordon, suivi d'idéale du gazo et en troisième position Speedy Scott. Alors qu'arrive tout juste sorti de sa retraite, Couscous qui vient de prendre la dernière place. Il fallait donc jouer l'As, le 3, le 10 qui vous rapporte le tercier dans l'ordre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es fait avoir. J'ai vendu un canasson à un pigeon et en l'occurrence. C'est toi, Paul le pigeon. Quoi ? Couscous n'a rien à pur sang. Son père était un âne et sa mère, une jument fatiguée. Tu n'es qu'un escroc, Roy. Mais la famille se vengera. Oh !